بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ عبد السلام وبهم وصل شرع الله سبحانه وتعالى إلينا فإذا لم يحترم هؤلاء ولم تعرف حقوقهم فلا تسأل عن الفوضى في الناس فيما يتعلق بأعظم شيء عندهم وهو دينهم ومن هنا فإننا سنتكلم عن موضوعنا هذا في ضوء النقاط التالية. شيخ عبد السلام démontre qu'on a si ce point il est pas maîtrisé et on fait rentrer n'importe qui في اسم العلماء et on fait sortir certains savants من دائرة العلماء فça va provoquer une fitna كبيرة et une فوضى. C'est ce qu'on vit là. Et a'da Allah, on le répète, ils font tout pour éloigner les musulmans de leurs savants. اسمع الى هذا الكلام de الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله في شرح كتاب التوحيد الى شرح نفيس الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله il était في المملكة العربية السعودية et il a écrit un شرح على كتاب التوحيد قال فيه وهنا دسائس يفعلها المستعمرون اليوم في رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم من مبادئهم يتمطر أن أعداء الله سبحانه وتعالى من يهود ونصارى كسسوا المستعمرون سكين كولونيزي لبي مسلم على البوك الكفار يسوا على هذا بل سين سياسة سين بوليتيك كيزون En d'autres termes, comment affaiblir les musulmans ? قال نشر مبدا من مبادئهم كالشيوعية والقاضيانية أو اليهودية أو النصرانية أي pour propager tous ces affaires qui contredisent l'islam, que ce soit le communisme, que ce soit bid'at ou kufr al-qadiyaniyya, c'est une secte, أو اليهودية النصرانية, les propager في بلاد المسلمين. الكفار رؤوسهم avantagés, ils se posent des questions. Et ils font un tartit, et un plan, une stratégie, comment faire ? قال فعندهم خطة وهي أنهم يرون المسلمين فيهم علماء فاضل وفيهم أهل خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي ils analysent est-ce que dans cette أمة il y a des savants أهل خير إلى آخره يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مجاهدون في سبيل الله العلماء سيد مجاهدون حقا فالأعداء كيس كيفون قال رحمة الله عليه فيقولون ينبغي إيجاد فجوة بين هؤلاء وبين عامة المسلمين donc le tartit leur stratégie principale c'est de faire une cassure une coupure entre les musulmans et هؤلاء الأئمة فcest ça leur plan ثم La question qui se pose, comment ils font ? قال رحمة الله عليه وصورة الفجوة أن يقال أي comment ils vont faire ? الفجوة c'est un je peux traduire par un fossé entre الأمة et les savants. فcomment ils font ؟ هؤلاء الأعداء قاتلهم الله أن يقال أنهم قصروا ولم يقوموا بواجبهم وأن الوظائف أغرقتهم وأنهم كذا وكذا. Qu'est-ce qu'ils font ؟ Ils salissent l'image des savants de l'islam. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الصدعوات سيبخوباجي تخي غابين الجزيرة العربية كثير من الناس يزيت غفني الشرك في الجزيرة في نجد أي لكتو العربية الزودية عبر العربية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعد الناس يزادوا غي دي تومب يزادوا كونستروي سور لي تومب والشرك وخرافات والسحر فشيخ الإسلام رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى جدد به الدين Il a appelé au tawhid et la da'wah, c'est en quelques années. Hatta au bout de quelques années, walillahi alhamd, da'wah a atteint Mecca ou al-Madina jusqu'aux portes de Sham. Thumma, au sud, al-Yémen, avec da'wah al-imam al-san'ani, rahmatullah alayhi, il a appelé, Mouhima da'wah s'est propagé très très vite. Al-A'da, ils ont su hada. Al-A'da, contrairement à certains d'entre nous, ils font beaucoup d'efforts dans leur... dans leurs principes. Et nous, on ne fait pas assez d'efforts. Fahum, quand ils ont vu ça, ils ont su que s'ils si ne font rien, da'wah chez l'islam va s'étendre partout. Wallahi alhamd, avec tout ce qu'ils ont fait, et elle a atteint l'Europe, elle a atteint les États-Unis, elle a atteint l'Afrique. Wallahi alhamd. كثير من الناس ils sont à la sunna et استفادوا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé les accusations. Wahhabites, fondamentalistes, ila akhir. الآن كثير من الناس quand ils entendent اسم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, ils pensent que c'est du terrorisme ila akhir. حتى ils essayent de coller son nom avec al-khawarij kilab an-nar. Alors que شيخ الإسلام والله الحمد لله mis en garde contre eux. لكن c'est dasisa min dasais al-ada. C'est une ruse. Ils font volontairement ça. Leur but, ils n'ont pas de wara de parler sur Cheikh l'Islam. C'est des kafara. Lakin leur but, c'est de casser cette dawa. Hatta al-alama Cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, rahmatullah alayhi, al-Maghribi, marra, pour vous montrer comment ils ont sali dawa de Cheikh l'Islam, marra, il a propagé Kitab al-Tawhid et il a enlevé le nom de Cheikh l'Islam. Il a mis un nom. Le vrai nom, lakin, au lieu de mettre le nom de son père, il a mis le nom de son grand-père, il a enlevé sa kunya, il a arrêté, mohim, ça a donné un nom, mathalan, c'est comme si, au lieu de dire Mohammed ibn Abdul Wahhab, tu dis Abu Fulan ibn, et tu cites son grand-père. Ça donne un autre nom en apparence. Fakathirun, et il a fait le test, annawad, ada, Cheikh l'Islam, ils ont pris Kitab Tawhid, quand ils ont vu le nom, ils ont pensé que c'était un savant de telle contrée, ils ont pas su que c'était lui. Wata'adjabu. Ils ont été impressionnés par Kitab al-Tawhid. Wal-ilm, wal-ayat, wal-fawa'id ila akhiré, wa atnaw ala al-kitab. Limada? Li'anna ba'd al-nas, ils ne jugent pas le contenu. Bel-kathir min al-nas à l'époque, on vit l'époque d'internet, réseaux sociaux, les apparences. Ba'd al-nas, c'est le nom, faqat. Ma yadroun shay. Si tu demandes à la plupart des gens qui critiquent sur l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, wallah, ils ne savent pas c'est qui. Hatta al-ba'd, bisabab jahlihim. Et la haqiqa c'est min as-safaha, ils ont dit que le Bukhari c'est un wahhabi. Le Bukhari il était bien avant. Lakin al-jahl wa al-dalal. Hakada as-safaha. Lakin on dhuru harb al-kuffar wa harb a'da al-islam. Pourquoi? Pour casser entre al-umma wa al-ulama. Tu comprends mieux l'un pourquoi l'ulama donne de l'importance à hada. Qala Cheikh Abdullah ibn Humayd rahimahullah. Fa yanbaghi nashr hada bayn al-amma. حتى إن العامة ينفرون من العلماء ولا يقبلون منهم. Si cette pensée elle est propagée مثل الآن, vous avez remarqué, vous ركزون على السلفيين بالأخص. Tu verras jamais dans les médias le kuffar critique le صوفية ou critique الأشاعرة ou critique الجهمية. لا, حتى الخوارج اللي critique لماذا لأنهم ils leur font du mal et ils s'en servent pour salir الدعوة السلفية. أما les autres ils sont في أمن وأمان par rapport aux كفار. مثلا الأحباج التبليغ. Tu entends le كفار parler sur هؤلاء السفهاء. أبدا. يركزون على الدعوة السلفية pour que la plupart des مسلمين ils apprennent pas هذه الدعوة. الدعوة السلفية c'est دعوة الرسل. الدعوة السلفية c'est التوحيد. C'est القرآن والسنة على فهم السلف. C'est الإسلام. C'est الإسلام الحقيقي. لكن قد يقول قائل pourquoi vous dites pas إسلام؟ لأن on dit دعوة السلفية لأن كثير من المسلمين ils ont suivi des égarés et ils ont formé des sectes. لابد من التميز. On dit دعوة السلفية pour montrer أنها c'est دعوة الحق وإلا فسي الإسلام الصحيح. كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه مرة, ils ont dit الشيخ الألباني كثيرا il faisait دعوة إلى المنهج السلفي, il parlait beaucoup de السلفية. مرة واحد il lui a dit لماذا pourquoi tu dis pas مسلمين ça divise il a akhiri. فقال له enlève tous les groupes égarés je dirais مسلم. Tant qu'il y a des groupes égarés je dirais salami. لماذا لأن si je dis مسلم ça englobe les autres. Il y en a beaucoup d'égarés ils sont pas sortis de l'islam ça reste un مسلم. فالسلامية c'est من باب التميز. قال رحمه الله فإذا جئنا بأي مذهب. Ça c'est قول الكفار. Il rapporte الآن leur مبدأ. فإذا جئنا بأي مذهب أو بدعة تقبلته العامة. Après cela, une fois que cette cassure elle est faite, n'importe quelle bid'a, n'importe quel fikr, العوام ils vont accepter. Thomas, ça va être une histoire d'argent et de profit. C'est exactement ce qui se passe. Pourquoi la laïcité, la démocratie, tous ces afkar, بعض المسلمين, ils pensent que c'est haq. Ils reviendront au savant de l'islam, ils sauraient que c'est du kufr billahi azza wa jal. Pourquoi? Et en fait, les gens, vu que se sont écartés des savants, comme on a expliqué la parole de Cheikh Abdullah ibn Humayd, ça a donné deux extrêmes. Ça a donné un groupe qui a exagéré مثلاً الخوارج قصص القاعدة أو استذاب الأنداعش المنحرفون الضلال بعض الشباب pourquoi ils ont suivi ces groupes égarés لأنه au départ il est motivé il aime l'islam il veut le haq لكن entre lui et le haq il y a une barrière c'est internet il va sur internet il n'a pas d'ilm مسكين ربما il ne sait pas lire l'arabe ربما il ne sait pas lire le Coran il voit des vidéos أن فلان من الناس أو تل كفار ils ont fait du mal aux muslimines des vidéos des tortures et là آخره فلا يمسك نفسه il revient pas أهل العلم et il pense que pour enlever ce char et pour combattre هؤلاء il faut faire des tueries des attentats فين الحرف il enlève un mal par un mal il serait revenu à أهل العلم المعاصرون à notre époque شيخ بن باز شيخ العثيمين شيخ الألباني شيخ مقبل et tous les autres savants ils mettent en garde contre les attentats le khawarij les akhirs et le kuffar ils le savent c'est pour ça que quand ils voient un salafi qui suit ahl al-ilm ils savent très bien qu'il est loin de hada walillahi alham lakin hada al-muslim al-shab miskin il sait pas et il pense que c'est l'islam al-haq thumma ils lui remplissent la tête et qu'est-ce qu'il dit sur les savants ulama hayd wa nifas ils travaillent avec le gouvernement et ba'dhum ils disent c'est des kuffars ba'dhum kaffaru shaykh ibn baz shaykh al-albani pour eux c'est des tawarit. Vous avez compris, c'est le premier extrême. Deuxième extrême, عياذ بالله, le laxisme. Il y a une barrière entre eux et les savants, et يميلون, ils pensent que l'islam, que les kuffars, ils veulent nous montrer, c'est le haq. Tu as un exemple, avec tout ce qu'ils font, le tapage, l'un médiatique, l'islam de France. Enfin, pour lui, il aime l'islam, il veut l'islam, mais il vit en France, et il ne connaît pas les savants, il y a une barrière entre lui et les savants. Il y a la barrière de la langue, les médias, Internet, la pression. Anna, si tu suis haoula, t'es un wahhabi, t'es un salafiste, tu risques la akhira. Fahoua, il aime l'islam. Et il veut l'islam. Il prend un islam qui contredit par le kuffar, l'islam de France. Rubbama, il va faire salat chez lui. Et il va faire quelques efforts. Et ça va s'arrêter là. C'est pour ça que haoula, on doit patienter sur eux. Il y en a haoula, l'akhira. C'est des victimes de hadhihi siyasa, al-mujrim al-kafira. On lit les livres des savants, on écoute les savants, enfin, on doit montrer à Haoula, on doit essayer de ramener Haoula al-Shabab vers al-Ulama. Ne pas se précipiter. Il y en a beaucoup, Wallahi veut le khayr. Wallahi veut le khayr. Tu le vois, miskin, il est fait ma'as, il fait une hiraf, une mauvaise compréhension, mais personne ne lui a montré. Il pense que c'est ça l'islam, al-haq. On doit faire al-da'wa min jadid, al-tawhid, mettre en garde contre le shirk. Propager aqidat salaf, mettre en garde contre aqidat al-yahoud ou al-nasara, et ce qui propage la démocratie, la laïcité et la akhira, et vous verrez, bi idnillahi azza wa jal, kathir min haoula al-shabab, ils reviendront au haq. Cheikh Mouqbila, rahmatullah alayhi, il a commencé da'wa, fi bilad al-Yaman, khassatan fi sa'da, dammaj, au nord du Yaman, c'était des shi'as. Cheikh Mouqbila, rahmatullah alayhi, wahda, bi tawfiq illahi azza wa jal, et les efforts qu'il a fait, il a pris l'ilm dans le Mamlaka Arabie Saoudia. Il a pris l'ilm عن العلماء هناك. Et il a propagé en quelques années le nord du Yémen. Beaucoup de gens sont revenus à la Sunna. Et la Sunna au Yémen, elle s'est propagée min Sa'da. Le QG de Rawafid, al-Shia. Là, ça vous montre, l'insan, il ne désespère pas. Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Al-Jazeera, c'était des Sauviyyah, Qubouriyoun, Khouraviyoun, كثير منهم. Et il a patienté, c'est devenu ard al-tawhid ila yawmina hadha. C'est interdit d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit de construire sur les tombes ila yawmina hadha. Dawlat al-tawhid walillahi alhamd wal minna. Fa hadha alladhi aradna dans cette muqaddimah. Thumma Cheikh Abd al-Salam rahmatullah alayhi, il a démontré les points qu'il va détailler. Qala an-nuqtatu al-oula fadl al-ulama wa bayan makanatihim fi ash-shar. Le premier point qu'il va traiter, c'est Fadl al-ulama wa makanatuhum, et la place des savants en islam, leur mérite. Le deuxième point, manhum al-ulama, et il va traiter la question comment reconnaître un savant. Et ça, c'est important. Qala an-nuqtatu al-thalitha huquq al-ulama alayna. Troisième, si tu connais les savants, enfin les savants, ils ont des huquq, ils ont des droits sur nous. On doit les aimer, on doit les respecter, on doit être doux envers eux. Il a akhiré. النقطة الرابعة مشكلة القدح في العلماء أي بعض الناس إذن بل حقوق العلماء بل l'inverse ils insultent, ils les critiquent